14-27, activation orale, habitude. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Tu travailles souvent à la bibliothèque? Et vous répondez? Oui, j'ai l'habitude de travailler à la bibliothèque. Allons-y. 2. Mireille va au cinéma le soir? Oui, elle a l'habitude d'aller au cinéma. 3. Robert prend souvent l'autobus. Oui, il a l'habitude de prendre l'autobus. 4. Mireille rencontre souvent ses amis à la Sorbonne. Oui, elle a l'habitude de rencontrer ses amis à la Sorbonne. 5. Vous étudiez le soir, vous deux? Oui, nous avons l'habitude d'étudier le soir.